بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, حفظه الله تعالى. الدرس الخامس وثلاثون. 35e leçon. 35e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تمام فاليوم ندخل في الدرس الثامن عشر وهو آخر درس من الكتاب من الوحد الخامسة عشرة سأيت لو 18e cours du livre le dernier بفضل الله. كم قفزنا درسا واحدا ونسوتي ان كور سلمون ونسوتي ان كور سلمون الكتاب سولي سور لي كوميك سي تو نعم بعنوان يوم مطير ان جور بلوفيو مطير من المطر كي لا بلو نعم ف بعد هذا سنخوض الكلمات الجديده كلمات الجديده اولا من باب الفائده سؤال ما حكم الوضوء بماء المطر Le fait de faire l'eau avec votre pluie. J'arrête. T'inquiète. J'arrête. Ma dalil. Je connais pas le dalil, mais je connais les chouroutes de l'eau. Ah, yep. كيف عرفتنا الشروط التي يجزى بها الوضوء متوفرة في ماء المطر؟ Comment tu sais que les conditions justement sont remplies par l'eau de pluie? C'est ça la question. Demain, il se met à pleuvoir, tu fais l'eau d'eau. Il y a un jahil ou un ami dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est l'eau de pluie. Il dit, alors? Ah. يقول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. Et nous avons descendu des cieux une eau pure en soi et purifiante. Tahour, c'est une eau qui est pure en soi et qui est purifiante pour autre. Donc ce dalil est clair. Anzalna min as-sama, c'est quoi qui vient des cieux? C'est la pluie. Wal aslu fil maya annaha tahira. Wa tahura. Que la base dans les eaux, elles sont pures et purifiantes, toutes les eaux naturelles. L'eau des pluies, l'eau des montagnes, l'eau des sources, l'eau de la mer, l'eau des lacs. Tu vois, toute eau naturelle. À la base, c'est une eau tahour. Eh bien, tahour. Même l'eau de la mer, comme on a dit. Mais qu'elle soit salée, fait l'eau d'eau et l'eau de la mer. Et le dalil à cela, et le hadith d'Abi Hurayra, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit dans l'eau du bahr, et le tahour de l'eau, et le hil de l'eau. C'est une eau qui est pure en soi et purifiante, et dont la chair. Illicite, c'est-à-dire ce qui est dans la mer nous est licite, pas besoin d'égorger. Ce qui est poisson, ce genre de choses. Donc l'origine dans les eaux, telles que celle-ci, c'est là qu'elles sont pures et purifiantes. Pures en soi et purifiantes. Taïeb, et si tu marches un jour, dans une maison, il y a de l'eau qui tombe sur toi d'un toit. Comme ça là. Tu vas à la salade et tout. Du coup, schlack. T'as de l'eau qui tombe dessus. Et je t'armelle. Tu vas à la salade. Tu vas à la salade. Bien sûr. Et tu me dis, il y a de l'eau qui est tombée. Ouais, de l'eau. En apparence. Mais tu sais pas d'où elle sort cette eau. Elle sort du toit. Hein? Elle sort du toit. Ouais, peut-être elle sort du toit. Peut-être c'est un petit, c'est un musée, il t'a acheté un truc, tu vois. Non, si l'eau, comme ça vient, qu'elle tombe de. Tu vois, la base dans l'eau, c'est qu'elle est. Toi, tu vas pas sentir une odeur, tu vas pas avoir une couleur suspecte. ou ce genre de choses. Là, je parle par cette eau-là qui tombe sur toi, là. Ma fichée. Sinon, tu vas ouvrir la porte à Wasawes. Il y avait un phare de Omar qui est venu comme ça. Qui a, je ne me rappelle plus trop, qui avait justement un sahabi qui avait été touché par de l'eau comme ça qui tombait de. Et il a commencé à demander, à vouloir demander à. Pourquoi il était à d'où sort cette eau? C'est quoi cette eau, tu vois? Alors moi, on a dit, ma, dans le sens, hein, tu vois, ma alek, il n'a pas demandé. L'origine, c'est que l'eau, elle t'envoie. Donc il y a des eaux, il n'y a pas cette rejet dessus. Ma vie, chérie. Tu vois, il ne faut pas ouvrir la porte à Wasawis, sinon c'est fini. Donc l'eau de pluie, tahour, elle est pure en soi et purifiante. Et même si elle est boueuse, tu vois, elle n'est pas conditionnée qu'elle soit transparente. Même si elle est boueuse par de la terre c'est pure. Ma fichée. Kazalik. Ne pas confondre entre propre et pur. Quelque chose peut être sale, mais tahour. Tu vois, une eau elle peut être sale. Tu vois, par exemple, c'est mélangé avec des poubelles. Tant qu'il n'y a pas de najas qui a pris dessus l'odeur et la couleur et le goût, même si les poubelles, l'eau, tu peux faire l'odeur avec. Parce que les gens, des fois, ils voient de l'eau sale, ils font non, je peux faire l'odeur avec. Et l'eau, elle est sale, on t'a pas dit de la boire. Tu vois, mais tu peux faire l'odeur avec pour ta salade. Enfin, attention entre propre et pur. C'est pas pareil. Il y a des choses pareilles qui sont propres en apparence et qui ne sont pas pures. Du moins qui sont pas tahour, qui sont purs en soi, mais qui sont pas purifiants. Mithl, comme un exemple. Ouais, le zeyt. Le zeyt. Le zeyt. Le zeyt, c'est pur en soi, ouais, c'est pas purifiant. Non. La salade. Le café, chai, le jus. Tu vois, parce que c'est plus de l'eau maintenant. Enfin, c'est plus de l'eau. C'est toujours pur, comestible et tout. Mais c'est plus de l'eau. Non. Quel est le même le faïda. Très bien. Fakulna mentirun, mana pluvieux. Danouun, mana karib. Amimun, ça vient de Am qui veut dire, je sais pas comment dans le texte on traduira, mais une chose qui englobe, qui généralise, qui recouvre plusieurs choses. Inhamara, yenhamiro, mana, nazala bishidda. Là, ça va être par rapport à la pluie. Des grosses averses dans le sens, tu vois. Une pluie abondante, forte. Ou plutôt, un nid, comment on dirait, tu vois, une pluie forte. Abondance et qu'elle mette à la tibarda. Razir, là c'est abondant. Atatakul fi hadha al-kitab ilmun azir. Tu vois, ce livre regorge de science. Et Azira, Mu'annathu. Sahiba, Yashabu. C'est le fait d'accompagner. Accompagner. Une chose qui vient avec. Le mot Sahaba vient de là. Awasif. C'est tonnerre. Ça pourrait être des tempêtes aussi, mais là, dans le texte, c'est tonnerre. Rard, ça aussi, ça peut être tonnerre aussi, éclair. C'est l'un des sons les plus effrayants pour l'homme. C'est le tonnerre. C'est un son qui est fort, impressionnant. Il vient du ciel. C'est-à-dire vraiment, tu réalises ta faiblesse quand tu entends ça. Et voilà quoi. Des gens, généralement, ils ont peur de ce bruit-là. Voilà. Un grand rappel. Alors, ce qu'on te dit quand tu vois la foudre, tu entends un bruit qui gronde dans le ciel, et tu vois les. Comme vous voyez, tu te rappelles la démeuse. Vous voyez au loin, là, le, pour ça que c'est mieux dans le nuage et tout. Tu dis qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ce nuage-là? C'est quoi cette lumière? C'est l'étonnant. Hajaba, yahjubu, c'est recouvrir. Minhuna, hijab. Inziraq. Inziraq, ce serait dérapage. Takriban. واستدام ça ce serait comme un carambolage, un heurt, un choc. Là il fait allusion aux voitures, il fait allusion au hadith min hawadith as-sayyara. Je crois qu'il va rendre ici. Et nous aussi, s'il y a un ders, on bougera Inch'Allah. Mi'atof. Mi'atof, ce serait une veste, un manteau. طيب كنا ميعطفون سان بلوزون انفست ميعطف ici dit jacket comme tout ça la jacket pour dire blouson utilise le mot anglais ici pour dire blouson c'est jacket ابتل يبتلو c'est se tremper se mouiller. Dif'un, ça vient de réchauffement. Réchauffement ? Par rapport à la chaleur qui réchauffe. Mais ça, mitfa'a, c'est un radiateur. Hatola yahtilo bimana kathura. Chose qui augmente. إن قشع ينقشع يعني بمعنى يعني ذهب partir يعني لذلك disparaître قريب من معنى انتهى ذهب زهق سطع يسطع معنى بغيه مثل الشمس خرير بمعنى صوت يعني بوي الصوت متلألئ أو متلألئون يعني une chose qui est scintillante, brillante كما سيأتيبس الفضة comme l'argent. Basmatun, معناها sourire. Un sourire. Bahaun, معناها jamel. La beauté, charme. دار معنى يدر أدراء يعني هنا quand tu dis darra yadurru adarra, c'est comme si tu dis que en fait les que la mamelle produit beaucoup de lait. C'est le معنى تقريبا. Adarrun c'est ça, c'est la mamelle à base, le sein, tu vois. Ihdarra yahdaru c'est devenir vert. Je sais pas s'il y a un verbe en français qui veut dire ça exactement, comme rougir, jaunir, noircir, blanchir. Vas-y, verdir. Je connais la verdure, tu vois. Ouais, la verdure, là, mais verdir, j'ai jamais vu. La monorée, c'est un mot qui me sonne comme étant inconnu. De toute façon, vous se dites, hein, c'est juste que moi, voilà. Quoi. Avec toutes les couleurs, il y a. Hein. J'ai jamais entendu orangir, par exemple. Violettir. Bleuir, j'ai jamais entendu ces verres-là. Noircir, nam. Jaunir, rougir. Nam. Noircir, blanchir, ça, nam. Ah, mais des couleurs, je n'ai pas entendu comme ça. Tu vois. Marronir, j'ai pas entendu marronir. Rosir, j'ai pas entendu rosir. Tu vois, il y a des mots, je n'ai pas entendu. Donc, s'il existe, bah, voilà, il n'existe pas, on fait un feu du hors-piste. Devenir vert. Voilà, on fait un détour, on a une phrase, elle a le même sens. Amché, on a qu'à faire tel marna. Lahiva yelhavo la bimana shahida yani contempler el ruyum bimana sahub c'est les nuages el ruyum le roi ils ont mis une fatha sur le ya da khata al damma. Ou à la mahlin, avec lenteur, avec douceur. Mahlin ou mahlin? Mahlin. Moi, je connais mahl. Quand tu dis mahlin à quelqu'un, mahlin, c'est-à-dire doucement. Comme dans le hadith de Aïcha, lorsque le Yahoudi, qu'allait assam alaykum, à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait wa alaykum. Vous voyez, Aïcha, elle a dit, t'as pas entendu ce qu'il t'a dit? Ma sa metta ma kala? Tu vois, il dit, mahlani Aïcha, wa la tasmaï ma koutou ana? Vous voyez, quand elle a dit, assam alaykoum, ana koutou wa alaykoum. Vous voyez, il y a des ma'ana. Tu vois, donc quand on dit mahlan, c'est-à-dire doucement. Je connais pas mahlan, je connais mahlan. Donc la fatha là, je sais pas si elle est. Non. طيب هنا سنقرأ قال في الصباح يوم كنت في طريقي من المنزل إلى مقر عملي donc un matin en fait c'est le matin d'un jour mais ça se dit pas en français on dit un matin j'étais sur le chemin de ma maison vers mon lieu de travail وكانت الغيوم كثيفة في السماء et que les nuages étaient, on va dire, il y a beaucoup de nuages. C'est kathifa, c'est comme une barbe ou ce genre de choses, tout ce qui est touffu, qui est intense. Une chose abondante aussi. Yuhi mandaruha bidanoui ghaithin amimin. Dont la vision inspire l'approche d'une grande inverse, on dira comme ça. La yuhi, ce serait à la base, aouha yuhi, c'est révélé, mais c'est aussi inspiré. Et on a dit, de nous, c'est le fait d'approcher. Ou aïs, c'est l'inverse. Manamatar. Wa qad sadaqa zalika fi ma hiya illa lahadhat athna sayri. Et que cela s'est avéré vrai, juste quelques instants, il ne s'est passé que quelques quelques instants, avant que cela ne s'avère vrai, sur mon parcours. Afna, c'est durant. Hatta in hamarat al-amtaru aziratan. À tel point que des grosses pluies, d'accord, sont tombées. Avec force. De plus fortes, quoi, sont tombées. Tusahibuha awasif wa ra'dun shadidun hatta hajabat anni ru'ya. Accompagné de tonnerres et d'éclairs. Shadid, c'est-à-dire violent. À tel point que ma vue, ma vision, on a été recouverte. Ru'ya, c'est vision. Hajabat, c'est recouverte. Wa alaykoum as-salam. فبدأت أقود سيارتي على مهل إذ رمي مهل. Donc je me suis mis, j'ai commencé à conduire doucement en voiture, avec prudence, avec calme. خوفا من الانزلاق أو الاصطدام, par peur de dérapage ou de heurte. ثم قال وصلت بحمد الله مقر عملي. Je suis arrivé par la louange d'Allah à mon lieu de travail. ولما نزلت من السيارة لبست معطفا واقيا. Et après descendu de la voiture, j'ai revêti je me suis revêtu comme ça, voilà. Akrab. Un manteau imperméable, une veste imperméable. Ou arqueen là-bas, c'est une chose qui protège. Là, il veut dire imperméable. Wa asra'tu hatta wasaltu al-maktab. Je me suis précipité jusqu'à arriver au bureau. Il a couru quoi, pour arriver vite. Dakhaltu wa qad ibtallat malabisi. Je suis rentré et mes vêtements étaient déjà complètement trempés. Mes vêtements ont déjà été trempés. Ram al-mi'tof, malgré le manteau. Le manteau ne lui a pas servi à grand chose. Le mayadoul à la kouwat adil amtar. Wa sharibtu kouban min ash-shay. Et j'ai bu un verre de shay, de thé. Talaban. Pour me réchauffer avant de commencer le travail. Ici ils disent shahi, je ne sais pas si vous avez entendu. Ils mettent un ha et après le ya. Ils disent shahi. En fait c'est shahi. Peut-être c'est de l'aura, alors là, mais ici au Yémen ils disent shahi. Ils ne disent pas shahi. Akaza. كنت انظر من النافذه فارى الامطار تحت او تحت له. Donc j'étais en train de regarder par la fenêtre et j'ai vu que les pluies, abondantes. Ou qui augmentaient. S'intensifier quoi. ولم تتوقف حتى عما خيرها مساحة مساحة واسعة. طيب مساء اذن مي سماء مساحة ومساحة واسعة من الأرض. Elles ne sont pas arrêtées jusqu'à ce qu'elles aient recouvert une grande partie de la terre. Une grande distance. بدأت وبدت الغيوم تنقشع. Et là les nuages ont commencé à se dissiper. Et à se dissiper, à s'en aller. On avait dit نقشع c'est الذهاب. انتهى. En français, dans la phrase, on traduira par dissiper. والشمس تسطع بعد أن حجبتها السحب فترة. Puis le soleil s'est mis à briller. Après qu'il était recouvert un certain temps par les nuages. فتوقفت أصوات العواصف والرعد التي كانت ترتفع. Donc là, on commençait à cesser, ou se sont arrêtés, les sons du tonnerre, d'accord, et des éclairs, alors que le son, yani, alors que c'était fort, c'était un son fort qui était fort. وَقَدْ يَخْتَرَطَ بَعْضُوَ بِبَعْضُ. Et c'était déjà confondu les unes aux autres, plutôt les uns aux autres, les sons. بعد انتهاء أو بعد انتهاء العمل خرجت راجعا إلى منزلي. Et après avoir fini le travail, je suis retourné à la maison, à ma maison. وفي الطريق كنت أسمع خزيرة المياه في شوارعها. Et sur le chemin, j'entendais le bruit des eaux dans les rues, les écoulements. Quoi. وقطراتها تتساقط من الأشجار. Et les gouttes tombaient des arbres. وبعضها قد تعلق بها بلونها الفضي المتلألئ الجميل. Et que certains, hein, quoi, là, je ne sais pas s'ils visent les gouttes d'eau ou les arbres. Je pense que c'est les arbres qu'ils visent, auxquels des couleurs, il y en a des couleurs argentées, belles couleurs argentées, luisantes, commençaient à s'y accrocher. Je pense qu'il fait attention aux gouttes. Il fait allusion aux gouttes. Ça fait comme des, tu vois, comme des pièces un peu, avec le soleil. والناس تغلو وجوههم البسمة. Et les visages, on va dire les sourires apparaissent sur les visages des gens. وقد ابتشروا بهذا الخيل العميم. Ils se réjouissent de ce grand bien. عن الأمطار. إن الأمطار نعمة من نعم الله على عباده. Que les pluies sont un bienfait parmi les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs. يحيي بها الأرض qui fait revivre la terre. فتحضر وتزداد بهاء. Elle devient verte et s'embellit. تزداد c'est à se rajouter, tu vois, maintenant tu diras par s'embellit. وتمنو بها الزراع. Il en résulte les plantations, on va dire, tout ce qui est végétation, mais plus pour l'agriculture, pas n'importe quelle végétation, ce qui amène à l'agriculture, les semences, tout ça. وَيَدُرُّ بِهَا الدَّرْ. C'est là justement la formule là, à la base, comme je dis, c'est faire sortir le lait des mamelles ou quoi. Et là, je sais pas comment on fait cette phrase-là en français. Mais ça apporte, tu vois, ça apporte ses fruits, quoi. Je pense que c'est une métaphore qu'il a voulu faire. Je sais pas comment faire tourner en français. وَكَذَا ظَلَلْتُ أَلْحَظُ هَذَا الْمَنْظَرَ الْجَمِيلَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى بَيْتِ أَدْعُو اللَّهَ وَأَشْكُرُهُ عَلَى النِّعَمِ الَّتِي لَا تُحْصَى. Donc c'est comme ça que j'ai continué à contempler, on va dire, cette belle vision, ce beau paysage, c'est-à-dire sur le chemin du retour, jusqu'à ce que j'arrive à ma maison et j'invoque Allah et je le remercie pour ses bienfaits qui sont indénombrables. Non. طيب نبدأ في بعض التدريبات. فهمت النص؟ تسي كوبري؟ نعم. يقول التدريب الأول, يقول كون, يكتب كون, سكو كون, نغرا بريشون, من كل كلمتين مما بين القوسين جملة مفيدة مضيفا ما يلزم. Compose avec chacun des deux mots qui sont entre parenthèses une phrase sensée en y ajoutant ce qui a besoin. مثلاً تا السحب السماء. Après il a fait quoi? Première phrase تتكون السحب في السماء. Que les nuages se forment dans le ciel. والسماء مليئة بالسحب. Et que le ciel est plein de nuages. Le royaume in qasha'a. Qasha'a, c'est se dissiper. Ma'ana dhahaba intaha. انقشعت بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نعم que les nuages sont dissipés après le lever du soleil. نعم و جملة ثانية ouais ah avec une papa fais une phrase similaire. لأن الغيوم والشمس لا يشتري كيف لا يبقى في مكان واحد انقشعت ولا في كوا ولا بوش تعبد الشيطان في الدوشه eux ils ont dans l'exemple ils ont mis les deux mots dans chaque phrase. Une kashat tu veux dire non aïthoun hatolat de pluie et s'intensifier. Les averses. فطلت الغيوب بشدة الريح فطلت الغيوب بشدة الريح كيف les pluies sont pas plus fortes que le vent. On va dire elles vont peut-être plus loin, mais c'est pas lié au vent en soi. Le plus fort, c'est pas lié au vent. Taïeb, vas-y, fais qu'une phrase, t'en as pas fait deux. Jumla wahida. Azira yahdarru. Elle est abondante et devenir verte. Alam tara al-ghazira yasdaru al-ard yakhud yasdaru al-ard madha al-amtar al-ghazira al-amtar al-amtar al-ghazira tam takhat la ihdarra فافير لازم c'est-à-dire en fait c'est la terre qui devient verte. C'est cool تحضره الأرض بعد الأمطار الغزيرة. Alors رعد زمجر. يخلي هذه الجملة أيضا. العواصف خوف. العواصف سل طمع. نعم. فضة متلألئة أرجنتي بريان سنتيان لويزان. بعد الأمتار الماء بخيا أما بخي على على الأوراق كمثل الفضة المليئة مثل الفضة الإيش؟ فضة مليئة؟ لا متلألئة. طيب الستيام تعزي؟ ها؟ طيب انت كتبت الثاني؟ لا خلاص اذا تذكر هنا ان شاء الله. تيكي اخلي يا بيبي سوف خذ لا طيب نستكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاق.com.